te caresser la couenne, pour te toucher la bourse, pour voir si tu en glousses. Sur cette terre millénaire, les rivers. Sur cette terre millénaire, quoi de neuf. Sur cette terre millénaire, les rivers. Sur cette terre millénaire, quoi de neuf. La bête, nous sommes venus te rendre hommage, te vouer au diable et à la perdition, au sexe, à l'alcool et à la tentation, aux femmes volages et aux tirs bouchons. Sur ces terres millénaires, les rives. Sur ces terres millénaires, quoi de neuf. Sur ces terres millénaires, les rives. Sur ces terres millénaires, quoi de neuf. La bête, nous sommes venus à ton festival chanter ta gloire, voir te goûter le gazon et si affinité le fion. Sur ces terres millénaires, les rives. Sur ces terres millénaires, quoi de neuf. Sur ces terres millénaires, les rives. Sur ces terres millénaires, quoi de neuf. La bête, reviendrons l'année prochaine, si le diable le veut, nous te retoucherons la couenne, si tu n'es point vilaine. Sur ces terres millénaires, les rives. Sur ces terres millénaires, quoi de neuf. Sur ces terres millénaires, les rives. Sur ces terres millénaires, quoi de neuf. Venu te voir, pour te caresser la couenne, pour te toucher la bourse, pour te voir si tu en glousses.